saison particulière, au moment où j'ai besoin de ta lumière, tu sembles t'éloigner de moi, tu sembles t'éloigner de moi. L'homme que je suis n'a pour toi plus de mystère, malgré mes attitudes, mon caractère, tu as toujours veillé sur moi, tu as toujours veillé sur moi. Je chance que tu as.